Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive, votre rendez-vous d'information locale et de découverte. Aujourd'hui, je vous propose de lever les yeux vers le ciel pour parler d'un oiseau aussi fascinant que discret, le martinet. Alors le martinet, c'est un oiseau qui est capable de dormir en plein vol, de passer plusieurs mois sans jamais se poser. Le martinet est un véritable acrobate de l'air, mais il est aussi menacé. Et à l'occasion de la journée mondiale du martinet qui aura lieu le 7 juin, les bénévoles de l'association SOS Martinet seront présents sur votre marché d'Amboise le dimanche 8 juin pour sensibiliser le public. Et si vous ne le saviez pas encore, SOS Martinet a été lauréate du budget participatif de la ville d'Amboise en 2024, ce qui a permis d'installer des nichoirs sur plusieurs bâtiments de la commune. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Toussaint, président de l'association. Bonjour Michel et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre accueil. Alors pour commencer, évidemment, on va vous demander de nous parler du martinet, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il a de différent de l'hirondelle, par exemple, parce que je crois que c'est une comparaison et souvent une confusion même. Effectivement, le martinet est un oiseau vraiment très très spécial et vraiment extraordinaire. Par le fait que sa différence avec les hirondelles, c'est que cet oiseau ne se pose jamais, hormis pour nicher, pour se reproduire donc. Donc il va passer toute son enfance et également toute sa vie d'adulte en l'air. Il va manger en l'air, il va dormir en l'air, il va s'abreuver en volant. Le seul moment où il va se poser, c'est pour se reproduire. La durée de vie du martinet, vous savez à combien elle se chiffre ? Elle est d'environ de 6 à 10 ans, à peu près, en moyenne. 6 à 10 ans à virevolter dans l'air sans jamais quasiment se poser. Exactement. Les jeunes qui sortent du nid vont, eux, voler pendant 3 ans sans se poser. C'est au bout de 3 ans qu'ils vont s'accoupler et donc chercher un nid pour se reproduire, tout simplement. Donc on imagine, et on l'a dit en introduction, que s'il y a une journée mondiale du martinet, c'est que c'est un oiseau qui est menacé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est menacé ? Quels sont les principaux dangers qui pèsent sur lui ? Il y a deux dangers à mon avis. Le premier danger, c'est une raréfaction, si je puis dire, de la nourriture, hein, puisqu'il consomme beaucoup d'insectes. Et avec les utilisations de produits chimiques, d'insecticides, de pesticides, la vie des martinets est en jeu en ce moment, ça c'est clair. Le deuxième point, cela concerne donc ces sites de nidification. Le martinet n'a aucun moyen de fabriquer un nid, puisqu'il ne se pose jamais sur le sol. Donc il va chercher des moyens de se loger, si je puis dire, en l'air, et principalement sous nos toits. Donc il va profiter d'un trou entre deux tuiles ou entre un chevron et un toit pour y faire son nid, tout simplement. Donc en l'air, il va recueillir des brindilles, des plumes, des feuilles, tout ce qu'il va pouvoir, disons, attraper afin de construire son nid. Donc le deuxième problème dont je souhaitais parler, c'est le problème d'isolation des toitures. Avec les problèmes d'énergie, de crise d'énergie d'ailleurs. Tous les particuliers sont en quête, si je puis dire, d'isoler leur toiture. Et en isolant la toiture, ils bouchent l'accès au nid des martinets. Si vous avez un couple de martinets qui niche sous votre toit et que vous isolez votre toit, il est évident que le martinet ne pourra plus se reproduire. Il va trouver la porte, si je puis dire, de son nid fermée. Parce qu'il a tendance à revenir là où il a déjà... Exactement, il est très fidèle, c'est peut-être pas le terme, mais il revient toujours, toujours au même endroit. Donc chaque année, il arrive vers le mois de mars-avril, et il repart fin juillet, début août. Et il repart où ? Il repart en Afrique du Sud. Ah oui ? Donc il va voler sans s'arrêter pendant 20 000 kilomètres. Incroyable. C'est vraiment un oiseau absolument incroyable et il faut vraiment tout faire pour le protéger, pour le sauvegarder. Mais d'ailleurs, je me dis que ça doit être compliqué de l'observer, le martinet, sauf quand il est posé, évidemment. Mais écoutez, on a la chance à Amboise d'avoir une colonie très très importante. Et on les voit d'ailleurs en ce moment tourner autour de nos maisons, tourner autour du château, tourner autour de l'île d'Or. Il y a de nombreux couples sur l'île d'Or, en fait. Et il suffit de lever les yeux au ciel et vous verrez des dizaines de martinets. De temps en temps, ils chassent en groupe et on va trouver des escadrilles, si je puis dire, de martinets au-dessus de nos têtes. Et là, c'est difficile de prendre ses jumelles et de le voir se poser et tranquillement, de pouvoir l'observer, parce qu'il est tout le temps en mouvement, ce petit oiseau. Alors, on incite les gens qui ont des martinets, bien entendu, qui nichent sur leur toit, à poser des nichoirs. Ça, c'est une alternative. Et il suffit, même chose, de regarder son nichoir, si je puis dire, le matin, quand les martinets partent chasser, et le soir, quand ils reviennent. Et puis assez souvent d'ailleurs, quand les martinets se reproduisent, quand ils sont en période de nidification, ils vont faire des allers-retours très très fréquents entre leur lieu de chasse, si je puis dire, et puis leur nichoir pour nourrir les petits. Donc on va les voir aller et venir, disons, très très fréquemment. Alors l'association SOS Martinet, elle date de quand et quelle est sa mission? Alors même si on entend évidemment les missions globales, mais est-ce que vous pouvez nous parler justement des actions sur le terrain et de quand date cette association? Bien sûr. L'association a été créée en mars 2017, donc ça fait 8 ans que l'association existe. Et c'est la rencontre en fait d'un couple d'Anglais qui était vraiment sensibilisé par la cause des martinets. Et puis depuis 2017, nous sommes environ une centaine d'adhérents, avec une dizaine d'adhérents actifs, tous bénévoles bien entendu. D'accord. Et notre objectif, comme je le disais, c'est vraiment de sensibiliser les populations, les particuliers, mais également les professionnels. Quand un professionnel fait des travaux sous un toit, faire en sorte qu'il s'assure qu'il n'y a pas de nid de martinet qu'il boucherait en faisant des travaux d'isolation. Et l'idée, c'est donc de convaincre les particuliers et les professionnels de remplacer un nid sous un toit par un nichoir. Un nichoir, c'est quelque chose de vraiment très très facile à construire. C'est en bois, ça requiert peu de moyens, une scie, quelques vis, et on a construit son nichoir. On parle bien des nichoirs qui sont en hauteur, donc à fleur de toit. Parce que je pense qu'on est nombreux parmi les auditeurs, et moi comprise, à avoir des nichoirs dans son jardin, mais qui ne soient pas bien à hauteur. Bien sûr. Et la plupart des nichoirs qu'on a dans nos jardins, ce sont des nichoirs pour des mésanges, des rouges-gorges, des petits oiseaux. Par contre, les nichoirs pour les martinets, eux, se trouvent, il faut les mettre en hauteur. Parce que, encore une fois, le martinet ne se pose jamais. Donc il faut qu'il soit à une certaine hauteur, je dirais au moins 5-6 mètres et plus. Hein, puisqu'on va en trouver dans les clochers d'église, par exemple, des martinets, ou dans des tours de châteaux, on les trouve en règle générale vraiment en hauteur. Et ça leur permet de décoller, si je puis dire, de partir du nichoir et d'y retourner sans aucun souci. Alors ce qui est intéressant dans ce que vous disiez il y a quelques instants, vous parlez aussi de sensibiliser les professionnels. Est-ce que vous trouvez une oreille attentive de la part des professionnels par rapport à ce souci de martinet? Parce que quelque part, ils peuvent se dire, écoutez, nous on entreprend des travaux, les oiseaux, voilà... Vous avez raison, en fait, c'est pas si simple que ça, ça fait des années, donc ça fait 8 ans qu'on se fait le porte-parole, si je puis dire, de nos amis les martinets auprès des professionnels. Et nous, ce qu'on souhaiterait, bien entendu, c'est qu'il y ait une action, j'allais dire, quand je dis politique, disons, auprès des mairies, auprès des conseils généraux, afin d'obliger... Oui, quelque part, d'obliger les professionnels à s'assurer, quand ils font un état des lieux, un état de la toiture, avant de l'isoler, de faire un état des lieux donc de la toiture et de vérifier s'il n'y a pas de nid de martinet en place. Et s'il y a un nid de martinet, bien entendu, prévenir le particulier et puis décider, bien entendu, de poser un nichoir à la place. Et il y a des tas de solutions, qui sont complètement invisibles. Il existe des briques creuses, par exemple, avec un trou qui doit faire les 2 cm de rayon, si je puis dire. Et ça suffit pour le martinet, pour y accéder et y nicher. Donc on arrive petit à petit à faire ce travail de sensibilisation donc des professionnels. On est en contact avec la mairie de Tours, qui oblige... les professionnels couvreurs principalement, même les entrepreneurs, à poser des nichoirs de martinet sur des nouvelles façades ou sur des façades qui sont en cours de réfection, ou même sur des bâtiments neufs. Il y a plusieurs réalisations, d'ailleurs on reçoit régulièrement des photos. Dernièrement on a reçu une photo, c'est un bâtiment qui a été construit dans la banlieue de Tours. Ils ont posé une cinquantaine, si je me souviens bien, une cinquantaine de nichoirs. Ce sont des photos que vous partagez via des réseaux qu'on peut observer. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment on fait pour aller voir ces photos? Très simplement, on a un blog, sosmartinet.com, et on y poste assez régulièrement des photos de réalisation, disons. Alors vous me direz si je me trompe, Michel, mais il me semble bien qu'à Amboise, il y a un bâtiment avec des nichoirs intégrés qui a justement vu le jour il y a quelque temps. Oui, un lotissement qui a été construit par la société, on ne va pas les nommer, Bouygues. Et ils ont construit, donc, les murs des bâtiments intègrent des nichoirs de martinet. Et ce qu'on voit de la rue, c'est simplement un trou, en fait, suffisant pour le martinet, pour s'y glisser et nidifier. On est très présent également dans les écoles. Oui. Hein, on a posé plusieurs nichoirs il y a déjà quelques années à l'école Richelieu, à Amboise, bien sûr. Mercredi prochain, on a une série d'installations à faire, non seulement à Richelieu, on va poser 9 nichoirs, mais également à Paul-Louis Courrier. On va installer 2 nichoirs, je crois, plus 3 qui ont été fabriqués par les élèves de l'école. Il y a également quelques nichoirs qui vont être posés à l'école Ambroise Paré, tout ça, mercredi. Et nous avons même également un projet d'installation de nichoirs, toujours ce même jour, au pôle Simone Veil. Comment mieux sensibiliser les enfants qu'en venant justement dans leur école avec cette fabrication par leurs petites mains justement des nichoirs? Ce sont quand même les adultes de demain absolument qui seront sensibilisés. Absolument. Alors justement, on parlait de coups de pouce politiques, quand c'est possible. Vous avez été lauréat du budget participatif de la ville d'Amboise. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Où est-ce qu'il en est? Et ça fait partie, je pense, de ce que vous venez en partie de nous dire. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, d'ailleurs, nous sommes l'association qui a reçu le plus grand nombre de votes. Absolument, vous étiez sur le podium en numéro un. On a fait ce qu'il fallait. C'était important. Tout à fait. Alors, il reste un projet qui est tout à fait récent, hein, puisque les résultats ont été divulgués il y a un mois et demi peut-être. Donc, les fonds vont être utilisés pour construire des nichoirs. D'ailleurs, on vient de faire réaliser par les ZAD de Mont-Louis une série de 50 nichoirs. Certains de ces nichoirs vont être posés, comme je le disais, aux écoles Richelieu, Paul-Louis Courier et puis Ambroise Paré. Et d'autres nichoirs, d'autres installations viendront, bien entendu, à l'avenir. Depuis mars 2017 que l'association est active et gérée uniquement par des bénévoles, vous le disiez, vous avez déjà constaté des effets positifs sur la population des Martinets? C'est difficile à mesurer. C'est vraiment très difficile. Sur les murs de ma maison, j'ai posé plusieurs nichoirs, j'en ai posé plusieurs dizaines, disons. Et c'est clair qu'ils sont tous occupés. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin réel, disons, absolument. Alors, il va se passer quelque chose de particulier ce week-end. C'est une journée mondiale dédiée au Martinet. À cette occasion, vous allez justement aller à la rencontre des citoyens au marché d'Amboise. Absolument. Qu'allez-vous nous proposer? Écoutez, c'est simple, c'est de l'information principalement, c'est de sensibiliser les particuliers, comme je le disais tout à l'heure, mais également bien entendu les professionnels. Si on peut arriver à sensibiliser également les touristes, parce qu'il y a énormément de touristes qui viennent sur le marché d'Amboise le dimanche surtout, c'est tant mieux. D'ailleurs, on est en contact avec plusieurs villes en France, hein, dont Paris bien entendu, Lyon, Marseille, Toulon également, ah oui, des grosses villes. Qui a été précurseur effectivement dans l'obligation auprès des professionnels, d'intégrer justement cette idée de vérifier que sous les toitures, quand à partir du moment où il y a une réfection de toiture, des travaux sur une toiture, il n'y a pas justement de nid de martinet. Et s'il y a un nid de martinet, la toiture, bien entendu, sera équipée de nichoirs. Et les professionnels ont obligation de se conformer à cette directive, si je puis dire, de la mairie de Toulon. Alors, quand on va venir sur votre stand, puisqu'il y aura un stand, est-ce que vous donnez des conseils pour fabriquer son nichoir? Absolument. Oui, absolument. Ça fait partie des choses que vous allez... Absolument. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que nous avions un blog, et sur ce blog, nous avons également des plans que n'importe qui peut télécharger afin de construire donc, des nichoirs. On sera présent, bien entendu, hein, on est une dizaine, donc toute l'équipe sera là, si je puis dire, de 9h à 13h, ou au moins une partie en tout cas. Et on pourra donner effectivement des conseils en ce qui concerne la pose des nichoirs. On ne pose pas un nichoir, par exemple, plein sud sur un pignon exposé plein sud. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette question-là exactement, aussi, effectivement. Exactement, parce que le nichoir, c'est une boîte. Donc, vous imaginez les rayons du soleil en plein été qui tapent sur ce nichoir. Le risque, c'est que les petits oisillons, disons, sortent du nichoir et s'écrasent au sol. Absolument. Donc on sera présent et on pourra discuter avec tous les gens qui sont intéressés, disons, d'échanger sur les martinets. Et ça nous permettra également de leur expliquer la différence entre les martinets et les hirondelles. Oui. Beaucoup de gens, comme vous le disiez tout à l'heure, Marlène, beaucoup de gens les confondent. Et ce que les gens n'aiment pas en ce qui concerne les hirondelles, c'est qu'elles salissent les murs et les sols, à l'aplomb bien entendu, des nids, alors que le martinet lui est propre. J'ai quelques dizaines de nichoirs sur mes murs et je peux vous assurer, il n'y a pas de salissure. Donc ça, c'est une idée reçue, encore une fois. Donc, bien expliquer aux gens la différence entre les hirondelles et les martinets. Maintenant, il ne faut pas dédaigner les hirondelles. Les hirondelles ont besoin de nous également, disons. Bien sûr. D'ailleurs, il existe des nichoirs pour hirondelles. On peut trouver sur Internet, bien entendu. Au même titre que d'autres espèces qui font partie bien de notre sûr. Biodiversité, je bien pense sûr. Aux chauves-souris qui peuvent aussi absolument. S'installer absolument. Sous les toits, évidemment. Absolument, absolument. Si je trouve un petit martinet au sol... J'attendais la question. Vous voyez, je l'avais prévu. Qu'est-ce que je fais si je trouve un martinet blessé? Côté depuis quelques années, on a de très très bonnes nouvelles justement quant au martinet qu'on va trouver en détresse, disons, sur le sol. Mm-hmm. On est en contact avec le centre de soins de Beauval, absolument, qui a créé une clinique pour animaux sauvages. Oh, c'est super. Donc c'est tout ce qui touche les oiseaux, les martinets, les rouges-gorges, ça peut être des goélands, s'il y a des godesternes, enfin des hérons, mais ça peut être aussi des amphibiens, ça peut être des serpents, pourquoi pas. Des animaux sauvages comme les renards, les blaireaux, les loutres, les martres, ça peut être des chevreuils également. Ah tiens, donc vous voyez, je ne savais pas du tout. Donc ils ont organisé un groupe de rapatrieurs. Le centre de soins se trouve à Saint-Aignan. Mm-hmm. Il suffit de les appeler. Il y a un numéro vert qui est disponible. Je ne sais pas si on dit numéro vert maintenant. Si. Enfin, on aura, gratuit, on aura compris l'idée. Merci. Donc il y a un numéro gratuit donc, qui est disponible. Ils sont ouverts de 8h à 20h, si je ne m'abuse, tous les jours de la semaine. Donc il y a une permanence téléphonique. Et donc il suffit de les appeler. Eux vont appeler un rapatrieur près de la localité où se trouve l'animal blessé. Le rapatrieur va venir chercher l'animal chez vous. D'accord. Et l'emmener au centre de soins. C'est pas tant. Et il suffit de mettre l'oiseau en détresse, l'oiseau stressé, disons, dans une boîte en carton avec quelques trous, disons, d'aération. Mmh. Et vous remettez le colis, si je puis dire, au rapatrieur qui emmène donc l'oiseau blessé au centre de soins. Il y a une deuxième possibilité également, c'est auprès des vétérinaires. Ah oui. Les vétérinaires ont accepté, alors je ne peux pas dire pas tous, mais bon, la majorité, disons, ont accepté d'accueillir justement les oiseaux blessés et ensuite de s'en charger pour les rapatrier au centre de soins de Beauval. Oui, ils se portent relais quelque part. Exactement, exactement. Mais avant d'appeler le centre de soins, il y a une chose qu'on peut faire, disons, très très simplement. Si un martinet, par exemple, s'est cogné et qu'il est simplement étourdi, il suffit de prendre l'oiseau, de le mettre dans la paume de sa main et il va s'envoler tout seul. D'accord. S'il n'est pas blessé, s'il est blessé, il retombera par terre. Il ne faut surtout pas, disons, le projeter en l'air, exactement, absolument. Mm-hmm. Donc s'il ne s'envole pas, centre de soins de Beauval, quelqu'un vient le chercher et l'emmène au centre de soins. Donc. Voilà, si vous avez une grande baie vitrée dans laquelle les oiseaux percutent, ça arrive hélas régulièrement. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, de dons, de soutien divers avec votre association, Michel? Je vous mentirais si je vous disais non. Oui, effectivement, on a besoin de bénévoles. On a besoin de fonds également. L'idée, c'est de vraiment porter secours, disons, à ces animaux extraordinaires. Et donc, tous les dons sont les bienvenus, les bénévoles également. Eh bien, merci beaucoup, Michel, pour toutes ces explications et pour ce bel engagement auprès des martinets. On le rappelle donc, le 7 juin marque la journée du martinet et vous pourrez retrouver l'association sur le marché d'Amboise le dimanche 8 juin. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur cet oiseau étonnant, sur les menaces qui pèsent sur lui et sur ce que nous pouvons faire pour l'aider si vous n'avez pas eu le temps d'entendre toute cette émission. En tout cas, pour en savoir plus, vous pouvez également consulter le site de l'association www.sosmartinet.com, c'est bien ça. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci, Marlène. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce mag. Rendez-vous demain à 18h pour un nouveau numéro.